Et maintenant, les critiques d'art d'un enfant de 3 ans autour du travail et de Bint Mbare. Donc je lui ai fait écouter une pièce de Bint Mbare et ensuite une autre pièce de Radouane, Ghazi Moumeneh. Présenter une musique. D'accord, comment la musique ? C'est une musique de Bint Mbare. Ok. Maman, elle va plonger dans l'eau. Tu vas faire quoi dans l'eau ? Elle va plonger. Tu vas plonger ? Oui. Et qui tu vas voir ? Ouais. Je veux dire la dame qui a une tomate sur sa tête. Il y avait quelqu'un qui avait une tomate sur la tête. Oui. Alors, ça y est mon chat. Quoi? Tiens, ah, il y a la pub. Où la pub? Non, on s'en fiche, regarde, écoute. Moi je voulais juste te faire écouter cet instrument qui est trop beau. C'est pour pas. Je peux voir cet instrument. Instrument. Je crois, je suis pas sûre parce que moi je m'y connais pas trop dans ces instruments, mais je crois que c'est un bouzouki. Regarde, est-ce que tu vois un peu là? Attends, regarde, j'essaie de tomber. Oui, je vais encore voir. C'est un violon? Ça ressemble un peu à une guitare, sauf que les cordes, je crois qu'elles sont pas exactement de la même matière que pour les guitares. C'est pas fait avec le même bois que des guitares classiques. Et aussi, surtout, c'est pas du tout la même forme. Là, on voit pas bien, mais le corps de l'instrument, là, il a une forme de poire. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, cette musique, ou pas? Ça me fait penser à un mouton qui te fait tuer par un flatteur. Ah bon? Oui, je pense vrai. Merde. Et voilà, c'était la vision de Nour sur l'œuvre, enfin sur ce que je lui ai fait écouter à ce moment-là, alors qu'il prenait son bain. Et que ça allait très bien, il était en train de faire de la musique avec l'eau en écoutant du coup le bouzouk de Bint Mbare. On espère que vous aussi écoutez la radio depuis votre salle de bain, peut-être en prenant votre bain ou dans un endroit agréable. Et là, qu'est-ce qu'on va écouter ? Et maintenant, de nouveau, on va de nouveau écouter Nour nous parler très rapidement de ce qu'il a entendu du travail de Radouane Ghazi Moumeneh. Ça dure 1 minute et ensuite on vous présentera le programme du jour. Oh là ! T'entends ça? C'est quoi? Pour voir l'instrument. C'est quoi? T'as l'impression que c'est quoi? C'est Nana Bozo. C'est Nana Bozo. Oui, c'est Nana Bozo. C'est Nana Bozo. C'est quelqu'un qui s'appelle Radouane Ghazi Moumeneh. Ça te fait penser à quelque chose? À un cheval qui court. Non, un cheval qui sort une tête. Une tête de quoi? Du cheval. Et un cheval sur une tête de cheval?